sa mwen, i ka tan soufrans sa mwen, i ka tan soufrans sa mwen, i ka tan soufrans sa mwen. Bon zami, di gade mwen. An kamande le kamarad, pale pa mwen. Di gade mwen, palaje mwen. An kamande le kamarad, pale pa mwen. An kamande le bon zami, di gade mwen. An kamande le kamarad, pale pa mwen. Di gade mwen, palaje mwen. I ka tan soufrans an mwen. I ka tan soufrans an mwen. I ka tan soufrans an mwen. I ka tan soufrans an mwen. Je n'entends qu'elle et ne vois que par elle tel ange Gabriel qui me cache ses ailes. Que c'est dur d'aimer, moi aimer et puis faut des sentiments. Que c'est dur d'aimer, au ciel là plus grand que l'océan. Que c'est dur d'aimer, mais que c'est dur d'aimer. Que c'est dur d'aimer. Il attend souffrance en moi. I ka tan soufrans an mwen, I ka tan soufrans an mwen, I ka tan soufrans an mwen. Mes amis, mes camarades, tout le monde. Ok, an kamande le camarades, pale pa mwen. An kamande le bon ami, di gade mwen. An kamande le camarades, pale pa mwen. Di gade mwen, palaje mwen. An kamande le camarades, pale pa mwen. An kamande le bon zami, di gade mwen. An kamande le camarades, pale pa mwen. Di gade mwen, palaje mwen. I ka tan soufrans an mwen. I ka tan soufrans an mwen. I ka tan soufrans an mwen. I ka tan soufrans an mwen. Je n'entends.